je dis, je suis heureux aussi parce qu'on m'avait dit que l'autre fois c'était quand même assez dense, c'est pas toujours facile à suivre. Mais j'avais la justification, j'avais dit, je vais, au premier cours, je vais déjà donner l'ensemble de toutes les 12 conférences dans l'ensemble, de manière que vous voyez aussi de chaque argument particulier quelle est sa place dans l'architecture. L'architecture totale. Donc voilà pourquoi je suis allé de manière particulièrement rapide au premier cours. Et surtout, et malheureusement, je n'ai pas pu laisser la place aux questions, aux observations à la fin, parce que d'abord, parce que ça arrive facilement, je prends des notes et après, je parle beaucoup plus du prévu. Et en plus, je croyais qu'on pouvait rester dans la salle à la fin, ce qui finalement n'était pas le cas, parce qu'il y avait notre enseignement. Mais je vous rappelle que de toute manière, on continue les discussions après au bar, au bar en face pour ceux qui veulent. Donc, d'abord, est-ce qu'il y a vraiment, parmi ceux qui ont été ici la dernière fois, les observations, les questions? Aujourd'hui, j'ai amené des photocopies. Je croyais aussi d'amener d'ailleurs la liste que j'avais faite effectivement de chaque séance, quels sont les sujets de la séance et les auteurs traités, mais cette liste, je l'ai perdue malheureusement, donc ce sera encore pour la prochaine fois. Donc aujourd'hui, je tenterai quand même de laisser au moins 20 minutes pour la discussion à la fin. Alors, j'ai compris que ce n'est pas très facile ici à l'école de faire des photocopies, mais quand même, j'ai réussi d'abord à faire des photocopies de listes, une bibliographie de la critique de la valeur. Donc, un peu de. Vous vous souvenez, je dis, donc, on va consacrer la séance d'aujourd'hui et les deux prochaines séances en décembre, un peu à une. Résumé de la lecture de Marx telle qu'a été faite par la critique de la valeur, donc ce courant des critiques sociales. Donc les auteurs les plus connus sont Robert Kurz et la revue Exit et Crisis en Allemagne et Moshe Postone aux États-Unis. Donc j'ai fait une petite liste, d'ailleurs, pas très modestement, je figure au premier plan, donc il vous donne un peu une idée des textes qui sont disponibles en français et qui sont finalement peu nombreux par rapport à ce qui est par rapport à la production allemande et peu nombreux même par rapport aux traductions qui existent en langue portugaise. Alors après, l'autre fois, j'avais fait une espèce de panorama un peu général de tous les sujets du cours, donc du lien entre fétichisme de la marchandise et narcissisme. Donc aujourd'hui, au contraire, je voudrais concentrer l'attention sur une seule point, sur la question qu'est-ce que c'est le travail abstrait dont parle Marx. Donc je pense que ce serait aujourd'hui aussi peut-être le cours le plus difficile à suivre, le plus théorique. En même temps, peut-être aussi de presque le plus enrichissant, parce que, comme je dis, le concept de travail abstrait reste quand même assez difficile à saisir, je le dis parce que, à moi-même, il m'a pris quand même plusieurs années, je pense, pour arriver à comprendre ce que c'est vraiment, et donc je tenterai maintenant dans 2 heures de résumer ce que moi, donc j'ai compris dans un long travail. Et parce qu'il n'y a quand même, il n'y a que Marx qui en parle, ce concept de travail abstrait. Au moins jusqu'à une date récente, très peu de auteurs marxistes ont repris ce concept. Ou ceux qui ont repris le concept, sont parfois totalement mépris sur le contenu de ce concept, jusqu'à le confondre avec d'autres concepts comme la parcellisation du travail ou le travail immatériel, qui n'a rien à voir avec ce que Marx appelle le travail abstrait, ou même ceux qui ont parlé en général, ils ont parlé assez vite, comme une espèce de simple unité de calcul, et pas du tout. Et on peut dire qu'au moins jusqu'aux années 60 ou 70, presque personne, sauf une partie de Lukács, Jean-Louis Lukács dans l'histoire et conscience de classe, presque personne n'a vraiment compris ou admis que le concept de travail abstrait est peut-être le concept le plus important dans toute la critique de l'économie politique de Marx. Donc voilà pourquoi je pense que ça vaut la peine de consacrer une science entière. Étant donné que le sujet est difficile, alors je fais ce travail. Donc, aujourd'hui, je vais moins improviser et lire davantage. Et donc, je vais aussi donc proposer la lecture de quelques extraits du premier chapitre du Capital de Marx. Étant donné la difficulté du texte, donc j'ai donc numérisé certains passages importants et je les ai réunis dans quatre feuilles. Donc, généreusement, l'école a accepté de photocopier. Donc, de manière que on peut le lire ensemble. Peut-être la lisibilité n'est pas toujours parfaite, mais moi je ne suis pas un technicien parfait. Alors, petite remarque, ou peut-être pas si petite, sur la traduction. Alors, j'ai utilisé l'édition du Capital traduite sous la direction de Jean-Pierre Lefebvre, et qui a été publié pour la première fois, je crois, en 83 par les éditions sociales, et ensuite republié par la presse universitaire de France, où elle est disponible, je crois, à 25 € le premier volume. Pour ceux qui veulent approfondir la pensée de Marx, je vous recommande très fortement d'utiliser seulement cette édition, de même que les autres traductions faites par Jean-Pierre Lefebvre. Ce sont notamment les traductions des Grundrisse, également publiées par la Dispute, je crois, donc il y a quelques années. Et non, donc, c'est à souligner parce que il existe au moins deux autres, deux traductions, éditions importantes et disponibles de Marx en français. Et donc, il y a une traduction qui a été faite dans les années 70, publiée en 73, je crois, du 19e siècle, qui a été faite par un certain Joseph Leroy, et que Marx lui-même a relu cette traduction. Donc on pourrait donc dire que ça doit être la traduction, parce que c'est le maître même qui l'a relu, qui l'a corrigé. Et donc c'est jusqu'à aujourd'hui aussi la traduction la plus répandue. Et malheureusement, ce n'est pas la meilleure traduction, donc le traducteur Joseph Leroy n'était pas toujours parfait. Marx même n'était pas content de son travail. Il n'a pas pu le corriger entièrement, et surtout Marx lui-même avait fait un choix, qu'il dit explicitement aussi dans ses lettres à Engels, d'adoucir le texte par le lecteur français. Adoucir, donc ça veut dire surtout, dans les premiers chapitres, enlever les références trop directes au langage hegelien et donc à des concepts qui étaient absolument pas connus en France à l'époque, qui pouvaient même sembler choquants pour les oreilles, pour la mentalité française. Et donc lui-même a corrigé la traduction assez littérale de Leroy, et donc pour la rendre de certaine manière plus lisible pour le public français de l'époque. Donc c'était évidemment un choix qu'aujourd'hui on dirait plutôt stratégique, c'est-à-dire évidemment qui visait surtout à conquérir un certain public. Mais il est vrai que cela n'est pas une raison, après 150 ans, de encore continuer à lire une traduction que Marx lui-même trouvait finalement de certaines manières, il s'était lui-même un peu popularisé, disons. Et cela est surtout vrai justement pour le passage sur le fétichisme, sur le travail abstrait, sur d'autres concepts que Marx pensait qui n'étaient vraiment pas acceptés à l'époque pour le public au monde en France. Après, on a eu une autre traduction des années 20, c'est certainement Molitor, mais qui n'a pas eu, je pense, une grande diffusion. Dans les années 60, Maximilien Rubel a fait une autre édition de Marx pour la Pléiade, qui est aussi évidemment assez connue, qui est aussi la même édition qui est reproposée par les autres éditions de Gallimard en folio. Alors Maximilien Rubel était un personnage très honorable, donc plus proche de l'anarchisme que du marxisme traditionnel, qui a aussi fait des études assez intéressantes sur les manuscrits de Marx et tout. Il faut dire que malheureusement, son édition de la Pléiade n'est pas bonne. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, ceux qui le connaissent. Elle n'est pas bonne d'abord parce qu'il a pour des exigences qui sont encore éditoriales, il a coupé beaucoup dans le texte, il a même inverti l'ordre des chapitres d'autres choses. Et surtout, lui aussi, donc, pour la traduction, il a fait également le choix de privilégier la lisibilité par rapport à la fidélité. Et voilà pourquoi moi, je n'aime pas du tout l'ouvrage fait par Rubel. Donc, c'est étrangement, donc, c'est l'édition sociale, qui quand même, c'est les éditions des partis communistes, que donc on pouvait plutôt donc, soupçonner peut-être d'une certaine intention de censure, ce sont au contraire ces éditions-là qui ont fait vraiment des œuvres de Marx toujours très bien traduites. Aussi la théorie sur la plus-value, donc pour la critique de l'économie politique. Pour ceux que moi j'ai vu, j'ai trouvé les traductions toujours à ce point parfaites. Et voilà pourquoi je recommande toujours fortement de faire recours aux traductions de Jean-Pierre Lefebvre. Pour ceux qui voulaient vraiment approfondir la question... Vous savez, alors Marx a fait sortir la première fois le Capital en 1867, et il a donc lorsqu'il corrigeait déjà les épreuves, et ses amis lui avaient dit que le premier chapitre sur la marchandise était vraiment très difficile à comprendre, et alors il a ajouté en hâte une annexe où il tente encore d'expliquer mieux avec des exemples l'histoire de qu'est-ce que c'est la nature de la marchandise. Donc après il a complètement réécrit le premier chapitre pour la deuxième édition allemande qui est parue en 1973, et il a fait encore des retouches pour l'édition française qui est parue à peu près dans la même année, en 1975 je crois. Et donc après, on a encore fait quelques retouches pour la quatrième édition définitive qui a été préparée par Engels. Alors, pendant longtemps, on a lu que la version définitive, parce qu'évidemment, elle était définitive, donc la quatrième édition allemande. Là aussi, c'était à partir des années 60 que certaines personnes qui se sont procurées la première édition du Capital dans les bibliothèques ont découvert que c'était quand même dommage de ne pas l'étudier mieux, parce que cette première édition présente la même thématique de l'analyse de la marchandise, avec un langage, mais aussi avec une perspective qui n'est pas complètement différente, mais qui quand même apporte certaines choses assez intéressantes, avec un langage beaucoup plus philosophique et hegelien que Marx ensuite a laissé tomber pour la rédaction définitive. Et donc, on a commencé à publier ces différentes versions. Donc, en vérité, il existe au moins quatre versions différentes du premier chapitre. Et en français, c'était dans les années 80, je crois qu'un éditeur, d'ailleurs catholique, le Cerf, a fait une bonne édition, donc, de différentes rédactions du premier chapitre. Et en plus, en allemand, avec le texte français en face. Donc je pense que ce livre probablement n'est plus disponible, ce serait même une chose peut-être à republier. Donc, je dis, pour ceux qui voudraient vraiment approfondir la question, c'est un livre bien fait, en plus, même assez bien commenté. Donc, même si c'est l'édition de curé progressiste, l'édition du Cerf. Donc, rentrons donc un peu dans le contenu. Alors peut-être une autre observation qui n'est pas vraiment préliminaire. Alors donc si aujourd'hui on va parler du travail abstrait et peut-être la prochaine fois encore du fétichisme de la marchandise, avant de passer aux sciences de l'année prochaine, c'est-à-dire à partir de janvier, à parler plutôt donc d'abord des catégories anthropologiques, enfin psychologiques, psychoanalytiques, etc. Il ne faut pas du tout comprendre cela dans les vieux sens marxistes de la base et de la superstructure. Donc, il n'y a pas. Donc, le matérialisme historique qui a été canonisé, surtout par Engels, mais par non sans un certain concours aussi de Marx même, vous savez, il a beaucoup insisté sur cette différence. Donc l'économie serait d'une certaine manière la base de toute vie, et après tout le reste, c'est-à-dire la culture, la vie individuelle, la religion, le droit, etc., ne serait une espèce de conséquence, une espèce de reflet que le marxisme traditionnel appelait la superstructure. Ici, la critique de la valeur, donc, effectivement, refuse certainement cette distinction. On peut dire que dans la... Il y a tout, donc, je me réfère toujours à la même distinction entre le noyau ésotérique de l'ouvrage de Marx, donc là où il analyse vraiment les catégories de la société capitaliste, et toute l'autre partie, quantitativement majeure, où Marx analyse essentiellement le forme que ce noyau prenait empiriquement à son époque. Donc, on a déjà parlé l'autre fois de cette forte distinction entre les deux niveaux chez Marx. Et donc, essentiellement, donc, ce qu'on appelle le matérialisme historique, cette distinction entre base et superstructure, je dirais, appartient essentiellement à la, disons, au Marx exotérique, et a surtout été développé, surtout pas par Marx même, mais par le marxisme historique. Le propre de Marx est au contraire, au moment du noyau de la théorie marxienne, d'analyser des catégories comme la valeur et l'argent et la marchandise, non comme des catégories purement économiques, mais comme des formes totales de la vie sociale. Cela est vrai encore plus pour la catégorie du travail social. Donc ça veut dire que donc, tout ce que les... Donc, c'est vraiment, si c'est un peu une banalité de dire que l'économie est une espèce de base parce qu'on ne peut rien faire dans la vie si on n'a pas d'abord résolu le problème de la survie économique. Et le marxisme traditionnel a beaucoup insisté sur ce fait-là, qui est quand même une espèce de truisme. Ici, il faut quand même voir qu'il y a une espèce de... que cette catégorie de base ne sont ni matérielles, ni immatérielles, catégories comme la valeur. Donc, ce sont des formes sociales totales, pour prendre un concept qui n'est pas de Marx, mais de Marcel Mauss. Donc, je vais revenir sur ce thème aussi, dans les propositions successives. Il existe quand même, au monde de la lecture de Marx que moi je propose, en suivant l'auteur comme Kurz et Postone, il n'y a pas une priorité du matériel par rapport au matériel au symbolique, ni le contraire. Donc on tente vraiment de dépasser cette opposition entre le matérialisme figé et l'idéalisme figé. De concevoir toute la vie sociale sous forme de travail abstrait qui produit une valeur est en même temps une espèce de structure, disons, mentale, une approche à la réalité, est une réalité matérielle dans le sens de la production. Et on ne peut pas dire qu'il y a un facteur qui est primaire et l'autre qui vient après. Et même historique, pour faire encore cette parenthèse avant de commencer, même sur le plan historique, c'est peut-être plus facile à expliquer. Donc, pour le matérialisme historique, il y a toujours d'abord l'évolution des forces productives, qui donc finalement est conçue surtout en termes techniques et scientifiques. Donc, d'abord, et après, il y a par exemple la mentalité, la religion, la conception de la vie, la philosophie, qui est un simple reflet de ce qui arrive déjà dans la phase de la production. Donc, thème classique, par exemple, la philosophie bourgeoise de Kant et Hegel serait le reflet de la révolution industrielle et du début de la pénétration du capital dans la société tout entière. Et justement, donc, cette approche assez unilatérale a été fortement critiquée, évidemment, par toute la théorie non-marxiste, c'est parfois à raison, et en effet se trouve assez mis à mal aujourd'hui, ce qui d'ailleurs a donné, dirais-je, souvent lieu à une espèce de renversement. Il y a beaucoup de théoriciennes aujourd'hui qui me semblent, que recommencent même avec, en privilégiant d'une certaine manière la dimension qu'on pourrait appeler idéale ou symbolique. Par exemple, le post-structuralisme, ou déjà les épistèmes de Michel Foucault, rentrent largement dans une espèce de renversement du matérialisme où, je dirais, on retombe souvent dans un simple idéalisme qui est même unilatéral. Je dirais, l'important, c'est vraiment de comprendre que la valeur est une forme totale dans le sens la valeur est une forme vide sans contenu qui s'exprime en même temps au plan de la pensée et au plan matériel. Et par le dit un peu plus concrètement, exemple, on peut dire que le début d'une espèce de production de la valeur, production industrielle, se situe à la fin du Moyen-Âge avec les manufactures. Mais en même temps, ces manufactures n'auraient pas été possibles si on avait déjà eu un changement dans la perception du temps. C'est surtout moi je pense qu'on négocie sur ça. C'était déjà dans les monastères du Moyen-Âge, par exemple, on avait commencé à introduire l'horloge qui n'existait pas dans l'Antiquité. Il existait déjà, par exemple, un temps abstrait toujours égal, donc avec le cloche qui sonnait toujours à la même heure. Et par exemple, si on n'avait pas eu ce concept de temps abstrait, et si on avait, en plus, deuxième chose qui nous ont légué ce sympathique monk, si on avait déjà eu une conception du travail comme une activité qui anoblit l'homme plutôt qu'à servir l'homme. Donc si le monde avait déjà développé ces deux choses, par exemple, il est probable que même le take-off matériel du capitalisme n'aurait pas pu avoir lieu au 15e siècle. Et donc on ne peut pas dire quels facteurs viennent d'abord et quels viennent après. Donc il y a toujours une espèce de forme de forme totale qui se développe avec une version, disons que symbolique ou idéale, et une autre version plutôt matérielle. Moi, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas une chose qui vient avant. Donc on ne peut pas dire que simplement le capitalisme était dû seulement aux découvertes géographiques, aux découvertes scientifiques, et que la science économique est un simple reflet. Marx le présente parfois un peu de cette manière. Je pense qu'il est autrement erroné de parler d'une invention de l'économie qui conforme des personnes d'ailleurs importantes comme Louis Dumont ou Serge Latouche, pour lequel il semble qu'il y avait des théoriciens qui ont eu cette mauvaise idée de mettre au monde ce bébé de la théorie économique, et après c'est la réalité matérielle qui s'adapte. Je pense que c'est vraiment important d'insister sur le fait que ce sont toujours des choses absolument liées entre eux. Donc il faut vraiment abandonner, je pense, cette idée de la base et de la superstructure, et donc en général du matérialisme historique, pas pour retomber dans l'idéalisme, pour comprendre. On peut aussi dire, il est vrai que les exigences que les hommes veulent satisfaire avec leur vie en société ne sont pas simplement des exigences matérielles. Là, certaines critiques bourgeoises du matérialisme historique, je pense, avaient raison. Donc, à part, vraiment, les choses de toute première nécessité, donc on a souvent vu dans l'histoire que la satisfaction des besoins, disons, symboliques, cognitifs, émotionnels, etc., pour être tout aussi important pour la société que la satisfaction des besoins matériels, vraiment au sens de manger, d'avoir un toit et tout. Et donc, voilà pourquoi certaines sociétés ont consacré une partie énorme de leur énergie et de leur plus-value à des choses qui ne sont pas matérielles. À partir des pyramides égyptiennes, on ne peut pas expliquer en termes matériels pourquoi les Égyptiens consacraient tellement de temps et d'énergie à construire des pyramides. Ce serait aussi un peu trop court de dire que c'était le pharaon qui forçait les autres. Il y a là quand même quelque chose qui, par exemple, une société tout entière, évidemment, de certaines manières, trouvait son fétichisme, par exemple, dans cette idée d'une vie ultra... et au-delà de la mort qui se représentait dans les pyramides. Mais alors, je me perds un peu, donc aujourd'hui, je vous dis, je voulais vraiment rester assez proche de Marx même, juste pour dire donc que si on parle maintenant du travail abstrait, donc ce n'est pas une espèce de préface économique à ce qui vient après, mais c'est déjà le discours même, parce que donc, il n'y a pas une différence entre l'économie et, par exemple, la sphère intime. Par exemple, l'économie capitaliste veut dire concurrence, essentiellement. Donc, la concurrence fait partie, pas de la vie humaine en tant que telle, mais fait partie où il y a production de valeurs, il y a nécessairement concurrence. Et la concurrence, après, donc, c'est quelque chose que nous retrouvons très fortement dans la vie sociale de tous les jours, dans le rapport intime, dans l'amitié, etc. Et donc, là, aussi, on ne peut pas dire que c'est simplement que simple, le caractère très concurrentiel de la vie personnelle est un simple reflet de la vie économique, parce que c'est en revanche, c'est au contraire aussi, c'est la mentalité très concurrentielle donnée par le fétichisme qui également après a des reflets directs sur la vie économique. Là, justement, donc, comment ces catégories de la valeur, finalement, aussi forment nos vies quotidiennes, humaines ou intimes, donc justement, ce devrait être un peu le sujet de dernier, les dernières séances. Donc, en général, évidemment, on ne commence pas avec une exposition de la théorie de Marx avec les catégories du travail abstrait, mais moi je vais le faire parce que, justement, parce que le défi ici, ou le point de départ, est justement, vous pouvez signer le et l'affirmation que le concept du travail abstrait, d'une certaine manière, est la couche la plus profonde et la plus importante de l'œuvre de Marx. Il ne s'agit pas en plus après de faire des hiérarchies conceptuelles, mais je dirais même que le concept de travail abstrait se situe peut-être du niveau encore un peu plus profond encore que la valeur et la marchandise et l'argent. Donc, c'est donc le travail abstrait qui crée la valeur et qui s'exprime dans une marchandise qui a un prix en argent. Donc d'abord voyons donc vraiment qu'est-ce que Marx même a voulu dire avec le concept de travail abstrait. Après donc on va ajouter quelques commentaires et discuter peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois à quoi ça peut servir pour comprendre la société. Donc on va donc d'abord voir avec l'aide de quelques citations qu'est-ce que ça veut dire travail abstrait et aussi autre observation importante et peut-être surprenante, si on pense que le concept de travail abstrait est peut-être, je dirais, le concept le plus important dans la critique de l'économie politique de Marx, il est surprenant que ce concept apparaît assez tardivement chez Marx. Dans les gros brouillons que Marx écrit en 1958, qui souvent est même considéré parfois supérieur par richesse d'intuition au capital même dans les gros dresses, le mot travail abstrait n'apparaît pas du tout. Et il apparaît un peu dans quelques cahiers, des notes qu'il a pris après. Il est présent dans la première rédaction du Capital en 67, mais d'une manière parfois encore assez hésitante. Marx même a confondu longtemps le travail abstrait avec d'autres catégories comme le travail non spécialisé, comme le travail moyen dans la société. Et c'est donc presque surprenant que ce n'est que dans la deuxième version du Capital, en 73, que Marx arrive finalement à vraiment définir, donc donner une définition, vraiment on peut dire définitive, que le travail abstrait. Donc on peut donc dire que c'est presque la chose qui l'a taraudé presque le plus dans sa vie. Tandis que, par exemple, un concept comme la plus-value, la sur-valeur, était assez clair chez Marx presque dès le début. Pour tout ce qui est théorie de la valeur, justement parce que c'était la partie aussi la plus nouvelle de sa pensée, où il pouvait le moins se baser sur d'autres auteurs, c'est aussi la partie de son ouvrage qui lui a coûté le plus de fatigue. Voilà pourquoi je dis, il peut aussi être utile de lire les différentes rédactions ensemble. De même que, aujourd'hui encore, beaucoup d'auteurs, même d'auteurs marxistes, confondent la valeur avec la valeur d'usage, mais là aussi, il est vrai que le même Marx a utilisé les deux termes encore comme presque équivalents dans la première rédaction du Capital. Donc, si pour nous, il n'est pas toujours facile de comprendre ce que c'est le travail abstrait, etc., nous sommes un peu aussi justifiés par le fait que le maître même a eu vraiment du mal à élaborer ses premières intuitions. Donc, on va donc voir pourquoi le fétichisme de la marchandise n'est pas une mystification, mais une version réelle qui est causée par le travail abstrait. On va voir quelle est la différence entre l'abstraction réelle et une abstraction dans la pensée. Quelle est la différence entre le concept de travail chez Marx et le concept de travail de ce prédécesseur bourgeois, donc c'est-à-dire sur Adam Smith et David Ricardo. On va voir pourquoi le travail abstrait n'est pas quelque chose de neutre, n'est pas une simple définition d'une évidence naturelle, mais est quelque chose de destructif qui n'existe que dans le capitalisme. Et ben, si on a le temps, on va aussi voir quels sont les équivoques les plus fréquents au sujet du travail abstrait. Et pourquoi, quand même, il nous faut quand même aller même au-delà de Marx et de critiquer toute notion ontologique du travail, pas seulement du travail abstrait, parce que là, c'était une espèce de seuil devant lequel Marx même s'est arrêté. Je vous rappelle, même si peut-être vous savez que, tandis que presque tout le monde, si vous demandez qu'est-ce que la caractéristique de l'analyse marxienne du capitalisme, on va dire que l'exploitation, le bourgeoisie et le prolétariat, la propriété des moyens de production. Et il est quand même surprenant que dans toute la première section du Capital, il n'est pas du tout question de ça. Il n'y a pas un seul ouvrier qui fait son apparition sur la première, c'est quand même 550 pages du Capital. Il n'y a pas un capitaliste, il n'est même pas le Capital. Il n'y a que la marchandise, la valeur et l'argent. En plus, la première section à marchandise et monnaie a trois chapitres, la marchandise, la valeur, le procès d'échange et la monnaie. Et dans le premier chapitre, qui est celui qui nous occupe, il n'y a pratiquement pas une personne humaine qui fait son apparition. En effet, avec sa fameuse ironie, Marx commence d'ailleurs le deuxième chapitre avec le mot « Les marchandises ne peuvent pas aller d'elles-mêmes au marché, elles ne peuvent pas s'échanger elles-mêmes. Il faut donc nous retourner vers leur gardien, les possesseurs des marchandises. » Donc ça veut dire, de certaine manière, l'homme n'est apparu, chez Marx, au deuxième moment, et pratiquement pour remédier au ce fait un peu embêtant que les marchandises ne peuvent pas aller elles-mêmes au marché. S'ils pouvaient le faire, de certaine manière, ils ne seraient même pas besoin de l'être humain. Maintenant que je lis ce passage, je trouve que, si on veut, c'est même déjà là aussi une formidable définition du fétichisme de la marchandise, donc dans cette affirmation ironique de Marx. En vérité, donc, le capitalisme est une affaire de marchandises qui ont des rapports entre elles. Pratiquement, les hommes ne sont pratiquement là que pour le déplacer d'un endroit à l'autre. Justement, ce n'est pas évidemment une réalité naturelle et ontologique, comme ça peut être pour le structuralisme. Ici, Marx dénonce une formation historique spécifique comme le capitalisme, comme ayant pour caractéristique que les hommes, pratiquement, ne sont qu'une espèce de porteur de marchandises. En vérité, si les marchandises pouvaient pratiquement se libérer de cette espèce de porteur, peut-être toujours un peu rebelle, ce serait encore mieux de marchandises. Et d'ailleurs, si on veut, de certaine manière, tout le développement du capitalisme a aussi un peu été ça, non? Donc, de libérer donc, ces facteurs humains, comme on dit, cette espèce de facteur de dérangement humain par rapport à la perfection qu'ont les marchandises. Donc, dans le premier chapitre, donc, il n'y a que de marchandises. Et donc, il n'y a pas du tout question ni du capital, ni du travail salarié, et même pas de la sur-valeur ou plus-value, comme dit la traduction la plus ancienne en français. Donc, bien avant de savoir qu'est-ce que c'est la sur-valeur, il faut Marx veut savoir qu'est-ce que c'est que la valeur. Et donc, ça veut aussi dire que Marx ne commence pas du tout avec la surface visible du capitalisme. Maintenant, je ne vais pas trop rentrer dans les méthodes marxiennes. Là, Marx reste d'ailleurs comme assez débiteur de la méthode hegelienne. Donc, il y a une différence entre la essence et l'apparence. Les choses telles qu'on les peut voir d'un coup d'œil ou connaître à travers une enquête empirique, de certaines manières, ne sont qu'une espèce de traduction, une traduction généralement faussée d'une réalité plus profonde. Cette réalité plus profonde, en général, ne peut pas être saisie avec des méthodes empiriques, mais avec une analyse conceptuelle. Par exemple, donc, on ne peut pas comprendre pour Marx le capitalisme, par exemple, en commençant avec la bourse. Par exemple, la bourse est un phénomène extrêmement complexe et on se méprendrait complètement sur la théorie du capitalisme si on comprenait, on analysait la bourse et encore plus si on voulait commencer, par exemple, avec les motivations psychologiques des boursiers, des acteurs de la bourse. Donc, il faut donc déconstruire tout le système dans la pensée jusqu'à ces éléments les plus simples. Donc, on va voir, donc, derrière la bourse, il y a la finance. Par exemple, derrière la finance, il y a la question du capital. Derrière la capital, par exemple, il y a la marchandise. Donc, Marx fait Évidemment, comme tout le monde, ses premières impressions de ce monde sont des impressions empiriques, des phénomènes très complexes. Même le défi de Marx, c'est sa méthode. Il fait d'abord une espèce de voyage à partir dans la tête, dans sa tête, dans son analyse. Il fait une espèce de voyage à rebours du phénomène le plus complexe visible pour le décomposer dans leurs éléments les plus simples. Et après, il commence son analyse qu'il nous présente avec ces éléments les plus simples, et après, peu à peu, dans le Capital, sur les 2000 pages du Capital, qui d'ailleurs ne devait être les premières sur 6 volumes qu'il avait projetés, peu à peu, il démontre pourquoi ces éléments les plus simples se combinent et nécessairement ne peuvent que se combiner de cette manière-là dans des formes toujours plus complexes, de manière que finalement, le phénomène complexe arrive à la fin de l'analyse et donc il n'arrive pratiquement. Et donc à ce moment-là, si on arrive donc au phénomène phénomène complexe, par exemple à la bourse, au marché mondial, on n'a plus dans une analyse empirique qui est toujours différente, où chacun a toujours son opinion, mais si on arrive à travers une analyse conceptuelle, au moins celui qui propose cette analyse propose d'avoir aussi donné la explication et pas une explication parmi d'autres, parce qu'il a démontré peu à peu pourquoi, par exemple, une fois qu'il existe quelque chose comme la valeur ou la marchandise, donc on ne peut qu'arriver finalement à quelque chose comme le marché mondial, même dans ses formes concrètes. Mais, comme je dis, donc, il y a donc une analyse qui commence avec des facteurs extrêmement abstraits qui n'existent jamais dans cette forme visible. C'est important. Hein. Donc, personne n'a jamais vu une valeur. On peut connaître le prix. Le prix, c'est la forme visible. La valeur est quelque chose d'imaginaire. Mais ce ne veut pas dire que c'est inventé. C'est une réalité qui est en tant que forme conceptuelle d'une réalité plus complexe. Et voilà, même une marchandise, personne n'a jamais vu une marchandise. Il existe 1000 marchandises différentes, donc il faut quand même faire un effort pour réduire les marchandises à une structure commune. Et le travail abstrait, c'est quelque chose comme encore moins visible. Donc ici, donc, si Marx commence avec les éléments les plus simples, ça ne veut pas du tout dire qu'il commence avec un élément visible. Donc ce n'est pas du tout le procédé cartésien qui commence avec le pense dont je suis, donc avec un élément empirique et évident à partir de lequel on reconstruit le monde visible. Chez Marx, donc on commence à contraire avec les éléments qui ne sont pas du tout évidents, mais qui ont été préliminairement ont été obtenus donc, par un processus de réduction du visible à ces éléments. Donc pour ceux que ça l'intéresse, vous trouvez d'ailleurs que la phénoménologie de l'esprit de Hegel et donc est pratiquement aussi, reste quand même le modèle pas toujours avoué de Marx ici dans ce commencement avec, là aussi Hegel commence avec l'être et le non-être. Donc toute l'analyse du Capital. Donc, c'est le premier chapitre du Capital, ça fait peut-être, je pense, 77 pages sur 2000 pages des trois volumes du Capital. Mais quand même, on peut aussi démontrer que toute l'analyse du Capital, même dans ses formes plus complexes, donc, de certaine manière, reste toujours débiteur de cette analyse de la structure de la marchandise. Donc ici, c'est assez différent. Donc, le premier chapitre ne donne pas de définition de ce que la marchandise, le travail, la valeur et l'argent. En général, la science bourgeoise commence avec des définitions, on clarifie qu'est-ce que c'est le concept qu'on utilise, et après, on peut l'utiliser. Non, ici, Marx démontre déjà la structure en termes de concept. Il démontre déjà que ce concept, donc valeur, etc., contiennent une structure contradictoire et dynamique dans leur intérieur. Donc, en effet, il dit que la structure, la marchandise, la forme marchandise, il dit la forme germinale, donc c'est comme le germe qui contient déjà toute la plante. On aurait peut-être même pu dire le DNA, l'ADN, même si ça n'était pas connu à l'époque. Et donc, une fois qu'on a. En plus, même si Marx avait une certaine. certain amour pour de comparaison scientifique dans ses œuvres qui était effectivement peu dû à l'esprit de l'époque. En plus, il faut même savoir que Marx aurait voulu dédier le Capital à Charles Darwin, qui d'ailleurs a décliné. Donc il y avait effectivement ce côté plus scientiste chez Marx qui voulait effectivement démontrer que sa critique de l'économie politique avait une rigueur comme les sciences naturelles. Donc aujourd'hui, cela nous laisse un peu perplexes. Donc je pense aujourd'hui que selon les exemples naturels que donne Marx, parfois obscurcissent son raisonnement plutôt que de l'idée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes de toute manière plus sensibles à la totale non-coïncidence entre les différentes catégories de la science naturelle et les sciences humaines. Mais de toute manière, donc Marx parle de forme germinale, c'est pour dire que si on a vraiment bien compris que ce que la marchandise et sa dynamique, de certaine manière, on a déjà, on a déjà pratiquement tout ce qui vient après. Donc le développement après, donc qu'est-ce que c'est le capital, pourquoi la plus-value, jusqu'à donc les différentes formes de capital. Et jusqu'au marché mondial, à la bourse, ce ne sont pas des catégories différentes qui s'ajoutent l'un à l'autre. Chaque catégorie est toujours le développement inévitable de l'élément précédent. Donc une espèce de chaîne. Donc la marchandise ne peut que donner forme au capital. Le capital ne peut que donner, exister sous ces trois formes de capital industriel, usurier et commercial, etc. etc. Donc il y a une espèce de raisonnement qui est en même temps logique et empirique. Et donc la forme de la marchandise donc, est présentée par Marx essentiellement comme le déploiement ou le développement de du caractère double du travail. Donc, pour moi, d'une certaine manière, effectivement, le véritable pivot. Donc l'idée que la marchandise a une double nature et le travail aussi. Donc il commence donc le premier chapitre donc avec la double nature de la marchandise qui saute la valeur et la valeur d'usage. Là évidemment c'est encore assez évident, ce n'est pas Marx qui a inventé ces catégories, et on crédite même Aristote. Déjà Aristote avait découvert qu'une chaise ça sert pour s'asseoir. En même temps, une chaise, ça peut aussi servir pour... qu'est-ce que dit Aristote? Je pense qu'on peut échanger une maison contre un fauteuil. Je ne sais pas où, chez les Grecs, les maisons étaient vraiment très bon marché, où le fauteuil était extrêmement cher. C'est l'exemple de la politique d'Aristote que cite Marx. Mais comme déjà, Aristote savait donc bien que chaque objet donc, dans la vie donc, peut être, avoir ces deux usages. Peut-être il faut toujours expliquer, parce qu'on parle très souvent de l'opposition entre valeur d'usage et valeur d'échange. Et ces deux valeurs et valeur d'échange sont souvent confondues, d'ailleurs même par des auteurs qui devraient vraiment connaître mieux, comme Adorno par exemple. C'est pas du tout la même chose. Comme dire. Alors, c'est facile de comprendre quelle est la valeur d'usage d'un objet. Et tandis que la valeur est quelque chose qui n'est pas visible, on va le voir maintenant, qui est donnée par le temps de travail qui était nécessaire pour sa production, qui donc n'apparaît nulle part visible. La valeur d'échange d'un produit est ce qu'on obtient en échange de ce produit qui est nécessairement une autre marchandise. Par exemple, si je échange un livre contre une table, la valeur de ce livre est la table, parce que c'est la table qui était déclaré équivalent à la valeur. La valeur d'échange, donc, n'est pas quelque chose d'abstrait, mais quelque chose de visible. Et dans la réalité capitaliste, où en général on ne fait pas du troc, ce qu'on obtient d'un échange, une marchandise, c'est de l'argent. Donc en théorie, une certaine quantité de métal noble, dans la pratique aujourd'hui, juste un billet de banque plus ou moins plissé. Donc la valeur d'échange d'un objet et sa valeur en argent. Donc la valeur d'échange n'est que la traduction visible de sa valeur. Ce n'est pas la même chose. Il est un peu incorrect si même des marxistes critiques, par exemple, parlent domination de la valeur de change dans le capitalisme. On dit que dans le capitalisme, tout tourne autour de la valeur de change, etc. Ce n'est pas vraiment ça. En vérité, tout tourne autour de la valeur. On dit la valeur de change, pratiquement, n'est que la forme visible que prend la valeur. Donc Marx même commence donc dans le après avoir donc rappelé la cette double nature de la marchandise, et en disant que c'est quelque chose d'assez assez évident et qui est déjà connu par Aristote, dans le deuxième sous-chapitre, il passe vraiment à l'attaque. Il introduit une chose plus dure, que c'est le double caractère du travail représenté dans la marchandise. Donc maintenant, ce n'est plus simplement la marchandise qui a deux côtés, mais c'est aussi le travail qui a deux côtés. Là, Marx, il dit explicitement, c'est aussi dans ce que j'ai photocopié, je pense, j'ai été, j'ai été le premier à mettre le doigt de manière critique sur cette nature bifide du travail contenu dans la marchandise. Comme c'est autour de ce point que tourne la compréhension de l'économie politique, il convient de l'éclairer un peu plus ici. Donc Marx dit clairement d'abord que c'est là vraiment le point c'est le pivot, donc c'est vraiment là donc dépend de la compréhension de sa théorie. Et en plus, il s'est dit que c'est lui qui a inventé ce double, observé ce double autour de la marchandise. Et voilà pour. Déjà, cette phrase démontre qu'il est absolument faux si confond certains auteurs marxistes ou de gauche, ou ce qu'on appelle les ricardiens de gauche, affirment que Marx essentiellement a repris sa théorie de la marchandise et du travail, etc., chez Ricardo, simplement l'a mélangé avec une exigence de justice sociale. Dit comme ça, ça peut sembler une simple querelle entre économistes, mais si c'était Marx avait vraiment fait ça, vraiment il n'avait pas fait un très grand travail, vraiment. Donc en vérité, donc l'important c'est de dire justement Marx n'a pas repris au fond la conception de la valeur du travail qu'il trouvait chez ses prédécesseurs, parce que ses prédécesseurs, donc toujours surtout les Anglais, Ricardo et Smith, elle avait une conception positive de la valeur du travail, qui pour eux était des données éternelles de la vie humaine. Donc la vie humaine est toujours basée sur le fait que le travail se représente dans la valeur des marchandises qu'on échange. Et donc la seule question alors qui peut se poser, que s'est posée aussi déjà Ricardo, par exemple, comment mieux distribuer ces éléments éternels de la vie humaine. Qui a droit à quoi? Qui contribue en quelle manière à la production? Et Marx, justement, et c'est l'important, selon la lecture que je vous propose, va bien au-delà de Ricardo et Smith, parce qu'il démontre que la valeur, etc., ne sont en tant que telles des catégories destructives et négatives de la vie sociale qui ne sont pas naturelles et qu'il faut abolir si on veut aller au-delà du capitalisme. Et cette analyse critique est donc essentiellement déposée ici dans le premier chapitre, et il dit explicitement que c'est lui le premier à avoir le fait. Donc là, il n'a aucune référence à des prédécesseurs. Quand même, en même temps, on comprend bien pourquoi beaucoup de marxistes ont gommé négligé cette affirmation de Marx. Parce que, en vérité, la plupart des marxistes étaient effectivement restés exactement au niveau de Smith et de Ricardo. Ils prenaient la valeur, l'argent, le travail, etc. pour les données naturelles. Donc il faut simplement déterminer qui a droit à quelle portion de ce élément naturel. Voilà pourquoi le mouvement ouvrier, tandis qu'il voulait être ouvrier, affirmer la production, etc., ne pouvait pratiquement pas prendre en compte ce premier chapitre du Capital, que s'il avait vraiment compris, aurait complètement contredit leur propre rapport positif à la valeur. Et voilà pourquoi Althusser ne pouvait que recommander à ses lecteurs de ne pas lire ce chapitre-là, qui aurait confondu les honnêtes ouvriers. Alors, tout ce que j'ai dit. Donc, c'est à partir de cette forme cellulaire, donc, que la double nature du travail, qu'on peut pratiquement, qui contient déjà cette opposition, qui contient chaque travail, cette opposition intérieure entre travail abstrait et travail concret, qui contient déjà, par exemple, tous les développements futurs, par exemple, surtout, par exemple, l'opposition entre le capital et le travail salarié, qui justement, le marxiste traditionnel, mais aussi parfois Marx lui-même, par exemple dans le manifeste communiste, présentait assez souvent, par exemple, l'opposition entre capitalistes et salariés comme une espèce de continuation d'autres antagonismes sociaux antérieurs, par exemple entre le serf et les féodataires, entre le propriétaire d'esclave et l'esclave, etc. En vérité, ici dans ce niveau plus profond de sa théorie, Marx rend clair que l'opposition entre travail salarié et capital n'est pas essentiellement une opposition entre deux couches de population, donc une domine l'autre par la force, mais est quelque chose qui dérive déjà du fait même que la société exprime sa vie sociale dans la marchandise et dans le travail abstrait. Donc là où il y a travail abstrait, il ne peut que résulter aussi finalement une capital et travail salarié. Et ça veut donc aussi dire, parce qu'il faut toujours penser ensemble ici, donc le niveau le plus abstrait de la théorie chez Marx a quand même toujours des conséquences assez pratiques, même pour la question est-ce qu'on peut sortir du capitalisme ou pas. Parce que, justement, si l'analyse de Marx ici est correcte, si donc le travail abstrait ne peut que pratiquement aboutir à l'opposition entre capital et travail salarié, ça veut donc dire on ne va pas sortir du capitalisme si on ne sort pas du travail abstrait. Donc ça veut dire, par exemple, que les sociétés soviétiques et autres, qui par exemple parlaient d'une application consciente de la loi de la valeur, pratiquement ne savaient vraiment pas de quoi ils parlaient, ou peut-être le savaient trop bien, mais de toute manière, donc, dans la perspective génuinement marxienne, il ne peut par exemple jamais y avoir une application consciente de la loi de la valeur, mais simplement l'abolition de la valeur. Donc, je l'ai dit, je ne fais évidemment pas ici un discours politique sur ce qu'il faut faire ou pas faire, mais j'ai dit qu'est-ce qui est quand même assez clairement dit dans le texte de Marx même. Donc, pour être un peu plus proche du texte, alors, il existe donc des produits différents de la vie humaine et donc des travaux différents qui les produisent. Évidemment, c'est le menuisier qui fait la table, etc. Mais il faut donc qu'il y ait quelque chose en commun entre les produits différents, parce que sinon on ne pouvait pas les échanger en quantité stable. Donc, en tant que tel, il n'y a rien en commun entre une table et une bouteille en plastique. Il n'est pas dans la nature des choses, dans la valeur d'usage. On pourrait échanger une table contre une bouteille en plastique ou contre 1000 ou 1 million. Donc il n'y a rien dans la valeur d'usage des choses qui les prédispose à avoir des relations d'échange. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a alors en commun entre, par exemple, entre 20 mètres de toile et 10 kilos de thé, pour pouvoir le mettre sur le même niveau, donc pour le réduire à la même chose. Marx donc dit, c'est la première citation, « Si l'on fait maintenant abstraction de la valeur d'usage du corps des marchandises, c'est la toute première citation ici, il ne leur reste plus qu'une seule propriété, celle d'être deux produits du travail. » Donc, Marx, évidemment, ne dit pas que le travail est le seul facteur. Là, ce serait un équivoque. Évidemment, il y a aussi les ressources naturelles qui, une dernière analyse, existent déjà dans la nature, qui ne sont pas les produits humains. Mais même, en même temps, il n'existe aucun produit humain où il y a aussi un rôle plus ou moins grand du travail humain. Même de l'eau, de l'eau dans la rivière est quand même déjà un acte d'activité humaine, si on veut, du travail. Donc chaque produit humain, de même que chaque service, contient toujours donc au moins une partie de travail. Alors, Marx continue donc, mais même dans ces cas, ce produit du travail s'est déjà transformé dans nos mains. En faisant abstraction de sa valeur d'usage, nous faisons du même coup abstraction des composantes corporelles et des formes qui en font une valeur d'usage. Ils cessent d'être table, maison ou fil, ou quelque autre chose que ce soit. Vous suivez le texte ? Tous ces caractères sensibles sont effacés. Donc, alors je ne considère que le fait que c'est du travail, alors il m'a fallu du travail pour faire une bouteille, il m'a fallu du travail pour faire une table. Évidemment, ce sont des travaux différents du protéine qu'on crée. Évidemment, une fois c'est le menuisier qui les fait, une fois le plasticien, donc comment dire. Mais. Le plasticien, ben, peu importe. Merci. Mais donc, une fois qu'on veut les échanger, c'est le même problème. On est, donc, de même que la table et la bouteille, en tant que telle, on est en commun, ne pouvait pas être échangé. Donc, de même, le travail du menuisier, le travail du plastique. Ah ben, prenons un autre exemple. Le travail du vitrier, ils sont tellement différents qu'on ne peut pas le mettre sur le même plan de sur deux plats de la balance pour les échanger. Donc il faut le réduire à seule chose qu'ils ont en commun, et donc le travail du vitrier, le travail du menuisier ont en commun que c'est du travail tout court, donc n'importe quel travail. Mais au moment où nous faisons ça, donc nous faisons aussi abstraction justement du travail en question. Et donc, on continue Marx après un peu plus en bas. Donc, le produit du donc en même temps que le caractère utile des produits du travail disparaissent, ceux du travail présents dans ces produits et par là même les différentes formes concrètes de ce travail. Donc, on n'échange pas le travail du menuisier contre le travail du vitrier. En vérité, entre les marchés, on échange une quantité du travail contre une autre quantité du travail. Donc, qui cessent d'être distincts les uns des autres, mais se confondent tous ensemble, se réduisent à du travail humain identique, à du travail humain abstrait. Donc, Marx admet le grand mérite d'Adam Smith, qui a démontré que la seule source de la valeur économique est le travail. Et il donne quelques formes spécifiques du travail, parce que les économistes avant Adam Smith, ils pensaient qu'il n'y a que certains travaux qui donnent la valeur. Par exemple, pour le mercantiliste, ce n'était que le travail dans les minières, qui cherche les métaux précieux. Et pour le physiocrate, il n'y avait que le travail en agriculture qui crée de la valeur. Donc là, Adam Smith avait fait justice de cette réduction du travail à son aspect concret. Smith avait compris qu'en vérité, c'est simplement le travail en tant que tel, n'importe quel travail qui crée de la valeur. D'ailleurs, Smith avait assez bien distingué entre travail productif et non productif, et là, il faut dire que François Smith était beaucoup plus. De cette manière, il voyait beaucoup mieux que beaucoup de successeurs de Marx. Mais lorsque Smith parlait du travail, donc du travail tout court, il pensait encore simplement à une espèce d'ensemble de travaux concrets. Donc simplement, Smith n'avait pas le concept du travail abstrait. Pour lui, simplement, il voulait dire que, avec son concept du travail tout court, que chaque travail concret vaut l'autre, en condition qu'il soit productif de capital. Donc vraiment la distinction que fait ici Marx, presque un siècle après Adam Smith, et qui donc il s'attribue la paternité de Marx, que c'est dire que le travail abstrait est dans une catégorie où il y a une extinction de tout le travail concret. Donc tout travail a donc une double nature, et donc le côté abstrait du travail, de certaine manière, tue la particularité du travail concret. Alors, j'ai dit, comme j'ai déjà aussi dit l'autre fois, plutôt que de parler du travail abstrait, du travail concret, il serait plus clair de parler du côté abstrait du travail, du côté concret du travail. Chaque travail dans le capitalisme a cette double nature. Donc ça n'a rien à voir avec son contenu. Je dis, ça n'a rien à voir avec la question si c'est matériel ou immatériel, et utile ou inutile, etc. Donc même le travail de l'agriculteur en tant que durée a un côté abstrait, et même le travail qu'on fait à l'ordinateur a un côté concret, dans le sens qu'on fait toujours quelque chose. Donc il n'existe pas un travail abstrait, un travail concret, mais chaque travail est toujours complètement concret, complètement abstrait. Il est donc aussi absolument faux si on parle par exemple du fait que le travail devient de plus en plus abstrait, comme dit certains auteurs. Aussi on dit que on parle d'une espèce de triomphe du travail abstrait, etc. Là on confond différents niveaux. Là, ces auteurs, lorsqu'ils parlent de travail abstrait, par exemple comme toute l'école du capitalisme cognitif, etc., ils parlent du côté immatériel du travail, où ils parlent de ce côté très parcellisé, donc par exemple la chaîne de montage. Mais là, on se réfère toujours au niveau concret du travail. Ici, si nous parlons du travail abstrait, nous parlons du fait que chaque travail est aussi une dépense d'énergie humaine mesurable en temps, et cela n'a rien à voir avec son contenu. Toute activité humaine dans le capitalisme a ce côté abstrait. C'est-à-dire, on pourrait même l'attribuer, si on veut, même à l'époque non capitaliste, évidemment, même une sauvage, entre guillemets, il le faut un certain temps pour abattre son gibier, ou même en théorie, même au lion, il le faut un certain temps pour trouver la zèbre. Mais là, évidemment, là, ce sont des choses, des projections arbitraires, parce que là, ce n'est pas une catégorie sociale. Ce que Marx veut dire, on va le voir mieux maintenant, c'est que dans le seul capitalisme, que c'est le côté abstrait de l'activité, donc le temps qu'il a duré, devient le véritable moteur, le véritable paramètre de la production. En effet, donc, troisième partie de cette citation, considérons maintenant ce résidu des produits du travail. Il n'en subsiste rien d'autre que cette même objectivité fantomatique, ici même, c'est aussi un jeu de mots allemand Marx, qu'un simple gelée de travail humain indifférencié, c'est-à-dire de dépense de force de travail humaine indifférente à la forme dans laquelle elle est dépensée. Bon, là, c'est vraiment la formulation clé chez Marx. Tout ce qui est encore visible dans ces choses, c'est que pour le produire, on a dépensé de la force de travail humaine accumulée du travail humain. C'est en tant que cristallisation de cette substance sociale qui leur est commune qu'elles sont les valeurs, des valeurs marchandes. Donc chaque chose coûte de l'énergie humaine. Un peu plus bas, Marx utilise sa fameuse formule dépense de cerveau, muscle et nerfs. Donc en vérité, ce n'est même pas correct si on dit que le travail abstrait se base sur le temps nécessaire. En vérité, ce n'est pas le temps en tant que tel qui compte. C'est l'énergie humaine, énergie physique ou mentale qui compte, mais qui évidemment n'est mesurable que dans le temps. Côté abstrait, tous les travaux sont égaux. Sont égaux. Donc c'est là la chose. Voilà pourquoi Marx parle d'une extinction du travail concret. Donc évidemment, chaque travail concret est une chose extrêmement complexe qui demande une formation, qui demande l'utilisation de certains matériaux. Mais une fois que je compare le travail du vitrier avec le travail du menuisier, avec le travail du professeur, avec le travail, je ne sais pas, du politicien. Donc là, donc, tout ce qui fait leur spécificité, donc qui fait aussi leur caractère social, humain, vraiment intéressant, disparaît. La seule chose qu'on peut encore mesurer, c'est combien d'énergie a été dépensée pour chaque chose. Et donc, finalement, donc, combien de temps il a fallu pour faire une chose. Et donc, une fois que j'échange 10 minutes contre 20 minutes, ça veut dire l'échange de différentes quantités, n'importe qu'est-ce que ces quantités représentent. Et, pour être un peu plus concret, on peut se scandaliser sur le plan moral. Par exemple, qu'on abandonne la production des jouets pour produire, par exemple, des bombes sur le marché capitaliste. Dans une optique capitaliste, cela est tout à fait normal si, là, simplement, la bombe représente une quantité majeure de travail humain, et donc aussi de sur-travail, par rapport au jouet. Voilà, par exemple, une fois que les objets sont des marchandises, donc ils n'ont pratiquement plus de contenu. Et cela est très visible dans le fait de l'argent, parce que là, comme je dis, on voit donc, chaque marchandise exprime sa valeur en argent, et on sait, l'argent est toujours le même argent. Il n'y a pas un argent différent pour acheter une bouteille d'eau, un argent différent pour acheter un livre, l'argent est le même. Et en effet, par exemple, lorsque nous avons 100 euros en poche, nous pouvons hésiter si on va acheter un livre ou plutôt aller manger, parce que, justement, parce que nous avons cette chose indifférenciée qui est l'argent qui peut après se retraduire dans les choses les plus différentes. Là, c'est assez évident, parce que moins évident que cette gelée indifférente qui est l'argent toujours égal représente le fait que l'argent n'est que le lieutenant, disons, du travail indifférencié toujours le même. Mais donc, tout le pivot de l'argumentation de Marx, c'est justement de dire que cela, ce n'est pas un processus innocent, ce n'est pas une simple question de calcul ou d'une facilité d'échange, mais que ce côté abstrait, cette réduction de tous au même, est devenu dans le capitalisme le centre de la production, et que finalement, toute chose concrète, visible, n'existe qu'en tant qu'expression, en tant que forme visible de cette réalité plus profonde qui est la forme toujours égale, donc du travail abstrait et finalement de l'argent. Je dis là aussi, on voit concrètement ce qui compte dans la production capitaliste, c'est seulement le flux d'argent, ce qui compte, c'est de transformer 100 euros en 110 euros, donc de transformer une quantité dans une quantité plus grande. À quoi ça correspond sur le plan concret? Les valeurs d'usage est une chose absolument secondaire dans le capitalisme. Je répète, ce n'est pas une question d'une rapacité particulière des capitalistes, mais c'est une question que c'est absolument inévitable dans une société où le travail social est devenu le lien social et où les êtres humains se rencontrent pas en tant que porteurs de capacités et de besoins spécifiques, mais tout simplement comme porteur d'une quantité plus ou moins grande d'une substance qui est la même toujours. Donc c'est-à-dire le travail contre que simple dépense d'énergie représenté dans l'argent en tant que simple quantité d'une métal précieux. J'insiste toujours vraiment sur cette différence entre forme et contenu, sur cette indifférence de la forme dans le contenu, qui a, à certaine manière, sa source dans la double nature du travail, parce que, justement, ce serait l'argument de la deuxième partie du cours, donc de voir pourquoi donc, cette indifférence pour les contenus, qui a son origine dans la sphère du travail, finalement se reproduit aussi dans la vie sociale et psychologique des individus dans le capitalisme avancé. Donc finalement, dans le capitalisme, à certaine manière, tout contenu, toute particularité, toute spécificité, finit par se perdre face à des formes sociales qui sont vides de contenu et qui ne sont que de pures quantités. D'ailleurs, Marx ici parlait d'objectivité fantomatique, en allemand on dit gespenstische Gegenständlichkeit. Donc c'est vraiment, ben, c'est un peu un jeu de mots, mais c'est aussi, on sent vraiment que Marx fait recours à des paradoxes et à des oxymores. Parce qu'ils sont vraiment que, finalement, la valeur, c'est vraiment quelque chose de tellement bizarre, c'est quelque chose de tellement presque incompréhensible. Il faut même forcer le concept et la langue pour arriver. Parce que c'est là la différence. Il n'y a rien de paradoxal dans le propriétaire qui donne le fouet aux esclaves et qui travaille. On peut dire tout le mal de cette société, mais c'est quelque chose qu'on peut comprendre et décrire. Si quelqu'un exerce la force sur l'autre. On dit la structure du travail abstrait, c'est vraiment quelque chose de paradoxal. Donc nous avons qu'un objet que nous avons ici concrètement pour son utilité, en vérité il n'est pas là pour son utilité, mais mais en tant que représentant d'un travail qui en plus n'est plus là, qui est déjà passé. Donc ici, justement pour comprendre ce caractère paradoxal donc du capitalisme, Marx donc recourt à ce genre de formulation, parce que objectivité fantomatique, c'est vraiment ce qu'avait l'oxymore, donc une construction où l'adjectif contredit dans l'absolu le substantif, parce que c'est quelque chose qui est objectif mais peut être fantomatique en général, c'est ou l'un ou l'autre. Tandis que justement, ce sont justement les subtilités métaphysiques de la marchandise dont parle Marx dans le chapitre sur le fétichisme. Alors, donc le travail abstrait, donc même si en vérité il s'agit d'une dépense d'énergie quand même mesurée pour le temps, il faut quand même évidemment rendre clair qu'il s'agit de fait important, qu'il ne s'agit jamais du temps que vraiment l'individu a dépensé pour créer sa marchandise, mais toujours du temps qui est moyennement nécessaire dans une certaine société, dans un certain contexte, pour produire la marchandise en question. Parce que si moi, par exemple, je suis un menuisier, moi je suis assez maladroit, il me faut une heure pour faire une table, puis en vérité, les autres menuisiers pour faire une demi-heure, évidemment, ma table ne vaut qu'une demi-heure, parce que si je le porte sur le marché, les autres personnes ne va accepter de me payer plus cher parce que moi, il m'a fallu une heure. Si les autres ont fait une demi-heure, donc ça veut dire la valeur de la table est une demi-heure. Et en revanche, si je suis tellement capable de le faire dans une quart d'heure, je peux en tirer un avantage parce que je peux le vendre comme si j'avais employé une demi-heure. Peut-être que je vais le vendre au prix qui correspond à 25 minutes de travail. Comme ça, je vais battre la concurrence. Donc là aussi, déjà, on voit pourquoi cette mesuration du temps n'est pas du tout quelque chose d'innocent, parce que ce n'est pas quelque chose qui correspond à la réalité de l'individu, mais c'est déjà une espèce de standard extérieur qui se impose même violemment à l'individu. Donc l'individu, avec ses capacités, et pas l'individu, même des réalités productives entières, sont écrasées par l'établissement d'un standard de productivité. C'est toujours la fameuse histoire de des métiers à tisser dont parle Marx. Donc si l'artisan anglais, il lui fallait une heure pour faire la chemise, mais après le métier à tisser, on peut faire une chemise en 10 minutes, la valeur sociale d'une chemise tombe à 10 minutes. L'artisan qui ne peut pas se permettre l'achat d'une machine, qui continue toujours comme avant, à employer une heure, elle va trouver que son heure réelle, concrète, ne vaut sur le marché que 10 minutes de travail. Donc on voit que ce travail abstrait n'est pas du tout quelque chose lié à la réalité concrète, mais c'est une espèce de paramètre social qui se impose de manière automatique à travers les échanges. Donc la deuxième section du premier chapitre, avant même de commencer l'analyse de la fond-valeur, s'appelle donc le double caractère du travail et la pensée de la marchandise. Alors là, on l'a déjà vu. On dit alors, donc, la marchandise nous est apparue à l'origine comme cette chose bifide, valeur d'usage et valeur d'échange. Nous avons vu par la suite que le travail, également dans la mesure où il exprimait une valeur, ne possède plus les mêmes caractéristiques que celles qu'il avait comme producteur des valeurs d'usage. Alors j'ai été le premier, etc. Et donc, trois pages plus tard, on continue. Donc, il dit, si on fait abstraction du caractère déterminé de l'activité productive et donc du caractère utile du travail, il reste que celui-ci est une dépense de force de travail humain. La confection et le tissage, bien qu'étant des activités productives qualitativement distinctes, sont l'une et l'autre une dépense productive des matières cérébrales, des muscles, des nerfs, des mains, etc. Ils sont donc, en ce sens, l'une et l'autre du travail humain. Ce ne sont que deux formes distinctes de dépenses de la force de travail humain. Il est vrai que il est donné. Donc le travail abstrait donc n'est donc également donc de même que il n'est pas identique au travail moyen. Comme je dis, il a même si évidemment il se présente sous forme de travail moyen, Il faut aussi dire que le travail abstrait n'est pas identique avec le travail non spécifique, le travail générique. Donc Marx effectivement fait un peu cette confusion dans le Grundriss, où Marx disait le fait que parler du fait que l'ouvrier moderne est de moins en moins un spécialiste, un artisan, de plus en plus simplement quelqu'un qui se présente avec sa pure force de muscle et dit pratiquement à son employeur, fais de moi, je fais tout ce que tu veux. Donc, évidemment, donc on a eu dans une certaine époque historique effectivement une forte diffusion de ce genre de travail donc, non spécifique au générique, qui était surtout le travail en plus après Marx, qui était nécessaire, qui était demandé pendant la chaîne de montage. Évidemment, on demandait des gens qui ne devaient avoir aucune capacité particulière. Mais donc ce qui d'ailleurs également a amené certains sociologues à confondre le travail abstrait donc avec ce travail générique. Mais alors si ce n'est pas le cas, c'est vrai que le travail générique a été à certaines époques historiques, je répète à l'époque du fordisme, la forme la plus visible du travail abstrait. Mais là, la question est toujours la même. Tout travail dans le capitalisme a un côté abstrait. Donc ça n'a rien à voir avec la question si c'était... Donc le travail d'Einstein a un côté abstrait, de même que le dernier ouvrier à la chaîne. Donc là, Marx dit donc, le travail... naturellement, donc, on peut dire, alors si tous les travaux ont donc la même valeur, on peut demander, alors une heure du manager donc, vaut la même chose, on peut dire, alors que le travail, de l'ouvrier à la chaîne. Évidemment, le capitalisme ne marche pas comme ça. Non, Marx dit, le travail plus complexe ne vaut que comme une potentialisation, ou plutôt comme multiplication du travail simple. Si bien qu'une quantum moindre de travail complexe sera égale à une quantum plus grande du travail simple. L'expérience montre que cette réduction se produit en permanence. Donc, bref, effectivement, disons par exemple, un ouvrier très spécialisé produit plus de valeur dans une heure qu'un ouvrier non spécialisé, par exemple, parce que tout le temps qui a été nécessaire pour former, par exemple, l'ouvrier spécialisé rentre aussi dans la valeur donc, de sa force de travail. Voilà, donc, je le dis aussi, par exemple, le déjà cité Maximilien Rubel dans son introduction à la liste de Pléiade du Capital parle longuement de ce problème comme si c'était un grand problème théorique. Ce n'était pas du tout le cas. Donc on peut simplement dire que si on dit par exemple que le travail vraiment générique, donc vraiment le manœuvre dans une construction, par exemple on peut dire que son travail c'est la valeur base, et donc tous les autres travaux plus sont complexes et peuvent représenter 1 au 5, au 10, au 20 fois le travail du manœuvre. Évidemment, même ici, évidemment on ne parle pas du tout de son utilité réelle, etc., mais simplement de la valeur qu'il a, parce que dans la valeur du Marx, bon, rentre aussi donc tout ce qui était nécessaire pour former l'ouvrier, pour le maintenir en l'état, etc. Parce que, évidemment, je vous rappelle, donc la valeur d'une marchandise est toujours donnée par 2 facteurs, donc par ce qu'appelle achète le capital fixe, donc ça veut dire le matière première et la technologie, les machines, etc., et le capital variable, avec lequel on paye la force de travail de l'ouvrier. Et la force de travail de l'ouvrier, évidemment, dit Marx, est la force de travail d'une marchandise comme les autres, donc sa propre valeur dépend de ce coût de production, donc le coût de production de la force de travail, donc ce qui est nécessaire, du Marx, pour maintenir en vie, selon certains standards en plus sociaux et culturels de l'époque, l'ouvrier et sa famille. Donc c'était la définition classique. Donc au-delà donc, de toute négociation qui peut avoir évidemment lieu autour du salaire, donc en vérité la valeur basique de la force, pas du travail, mais de la force du travail de l'ouvrier, évidemment, est donnée par ce qui coûte sa production. Et évidemment, un ouvrier spécialisé, un ouvrier qui fait un travail plus complexe, coûte plus cher dans sa production que l'autre. Donc voilà pourquoi le travail abstrait, donc même, n'a pas un rapport direct avec le travail générique. Je vais tenter aujourd'hui de terminer un peu avant. Donc, à page 51, Marx dit donc, de la même façon donc, que donne les valeurs habit et toile, il est fait abstraction. Donc, il parle toujours de ces deux marchandises, l'habit et la toile. D'ailleurs, je trouve que cet exemple est mal choisi parce qu'effectivement, qu'il faut une toile pour faire un habit. On pourrait même penser qu'il parle des différents stades de la production, etc., ce qui n'était pas du tout le cas. Donc, Marx, au contraire, veut simplement aussi vraiment parler. En vérité, tout le premier chapitre, ce n'est que pratiquement le dialogue entre l'habit et la toile. Donc, comme eux se rapportent l'un à l'autre, finalement, ils se mettent d'accord, on peut dire, donc, pour avoir l'argent, donc, pour représenter leur les valeurs de l'un et de l'autre. Et, c'est un peu long ce passage. Tout d'ailleurs, pour le résumer, donc, vous pouvez aussi le lire à la maison. Donc, évidemment, donc, les deux travaux différents nécessaires pour l'habit et la toile, donc ils font quand même la substance de la valeur, mais non en tant que travaux concrets, mais simplement en tant que tous les deux sont du travail abstrait. Donc ce sont, comme dit Marx, sont de représentation du travail abstrait. Et donc, ça veut aussi dire, par exemple, le fait de tisser et donc produit de la valeur, justement, en tant qu'un fait abstraction du fait que c'est du tissage. C'est justement seulement, donc, si on fait, on n'y pense pas au fait qu'on fait un tissu, mais justement, si on ne le considère que sous le point de vue de la dépense d'énergie et du temps, qu'il y a effectivement production de valeur. Les travaux considérés du point de vue de la valeur, du côté comme travaux concrets, produisent de l'objet concret, mais ils ne produisent pas de la valeur. Donc la valeur, donc, c'est vraiment un autre niveau, et c'est quelque chose, on va se dire, purement fantasmagorique. Parce que évidemment, les menuisiers, le travail du menuisier concrètement produit les tables, produit les valeurs d'usage, mais ce n'est pas le côté concret du travail qui produit la valeur. C'est le côté abstrait du même travail qui produit la valeur, et de ce côté-là, donc c'est simplement, on fait donc abstraction du fait, du côté concret, qu'il y a la valeur, que les valeurs peuvent s'échanger, parce que justement, les valeurs peuvent s'échanger seulement s'ils sont tous égaux. Donc, donc chaque fois, on fait abstraction donc, de ce qu'ils sont. Donc j'ai choisi surtout le passage justement où Marx insiste vraiment aussi sur le mot abstraction. Donc voilà, pour dire que la production marchande est donc une production qui se base sur la abstraction de tout ce qui est vraiment valeur d'usage et besoin humain. Et que la valeur donc justement est une abstraction devenue réalité. Alors, et comme donc cette première approche, malgré tout, peut-être n'est pas tellement difficile à comprendre. Et surtout parce que jusqu'ici, on pourrait penser que nous sommes seulement face à une espèce d'abstraction dans la pensée, dans une espèce d'opération mentale qui rend possible l'échange entre les objets qui seraient autrement incommensurables. Marx même utilise l'exemple de l'opération où on réduit différentes figures géométriques, par exemple pour pouvoir comparer par exemple un triangle, un rectangle, un cercle. Évidemment, pour le faire, on va tout le réduire à la même figure. Par exemple, on peut réduire chaque figure géométrique, par exemple, à des carrés, et après on peut voir quel carré est le plus grand. Donc, il dit un peu la même chose, est vrai pour la marchandise. Le véritable problème dans l'analyse de Marx, il commence avec la forme de la valeur. Parce que cette valeur dont nous parlons ici, produite par le travail abstrait, n'est pas visible. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher ou voir, ou même mesurer. Donc, il faut que chaque valeur se représente dans la valeur d'un autre produit. Dans une autre marchandise. Et donc la plus grande partie de ce premier chapitre chez Marx n'est pas consacrée au travail abstrait, mais aux différentes étapes che portano da questo primo scambio tra solo due merci fino allo scambio generalizzato tra tutte le merci da un lato e il denaro dall'altro, dall'altro lato. E, dunque, ricordo ovviamente il più essenziale di questa analisi, che appunto la premier... Pardon? Non, je vous explique pourquoi, parce que le texte que j'ai ici, c'est une... c'est un texte que j'ai écrit en anglais l'année dernière pour faire une conférence dans une université anglaise. Et donc j'ai cherché toutes les citations de Marx en français, mais le texte même, donc je le traduis, je le retraduis en français au fur et à mesure que j'ai lu le texte, j'ai lu le texte anglais. Mais donc évidemment là, j'étais tellement dédonc. À partir de quel moment je parlais en italien? Deux paragraphes. Deux paragraphes. Deux phrases, j'espère. Ouais. Alors, donc, je répète vraiment donc, juste le plus essentiel parce que là. Donc, alors, si un manteau, un habit, dit Marx, donc, il n'a pas le sens de dire un manteau vaut un manteau. Donc, évidemment, il faut un manteau, doit exprimer sa valeur en quelque chose d'autre. Et par exemple, dans une certaine quantité de toile. Marx dit par exemple 20 onnes de toile. Une onne, je vérifie, ça veut dire 118 cm. C'était effectivement. À l'époque de Marx, évidemment, le système métrique n'était pas encore si répandu que ça. Et donc, la valeur d'échange, la valeur, et donc, par exemple, ce sont les 2 heures de travail qu'on ne peut pas exprimer directement, mais la valeur d'échange d'une marchandise est toujours une autre marchandise, par exemple, disons, 20 mètres de toile sont la valeur d'échange d'une manteau. Et donc, d'une certaine manière, donc, la valeur d'échange, on pourrait dire, certaine manière, est la médiation ou l'élément moyen entre la valeur et la valeur d'usage. Donc, jusqu'à ce que nous, il n'y a que deux marchandises, dans le premier exemple de Marx, évidemment, le rapport est toujours inversible. Donc, si un manteau a la valeur de 20 mètres de toile, évidemment, 20 mètres de toile ont la valeur d'un manteau. Il n'y a que deux marchandises, 20 mètres de toile, par exemple, on peut également les échanger, par exemple, aussi avec 10 kilos de thé, ou avec 40 kilos de café, ou avec une carte de blé, ou 2 onces d'or, ou 1/2 tonne de fer, etc. Donc, chaque marchandise peut être échangée avec une quantité donnée de chaque autre marchandise disponible sur le marché. Et en plus, si on lit dans la liste de Marx, on a toujours l'impression à chaque élément qu'il dit des choses absolument évidentes. C'est quand même seulement à la fin qu'on se rend compte de l'importance de toute l'analyse. Parce qu'après, il renverse. Donc, si alors 20 mètres de toile peuvent être échangés contre toutes ces marchandises que nous avons dites, donc c'est le vrai aussi, le contraire aussi est vrai. Donc, de 10 kilos de thé, de 40 kilos de café, le 2 onces d'or, la demi-tonne de fer, etc. Tous peuvent être échangés entre 20 mètres de toile. Et donc, ça veut aussi dire que tout ce qui s'échange contre 20 mètres de toile doit aussi avoir la même valeur. Toutes les marchandises qui s'échangent entre 20 mètres de toile doivent avoir entre elles également la même valeur. Et on peut donc dire que toutes les quantités de ces marchandises, donc le café, le thé, etc., donc ils peuvent également s'exprimer dans la toile, et donc on peut dire qu'ils ont choisi la toile pour exprimer leur valeur, parce que sinon, on devrait chaque fois, pour chaque échange, on devrait établir une autre chaîne. Donc il est plus facile, ils ont dit, que chaque marchandise dit certaine manière, moi, je vaux autant d'étoiles. Donc, le kilo de thé dit, moi, je vois 2 mètres d'étoiles. Le café, il dit, moi, je vois 4 mètres d'étoiles, etc. Évidemment, ils ne disent pas. C'est évidemment que c'est la quantité de travail qui, finalement, décide à combien d'étoiles chaque marchandise correspond. Et donc, même s'il n'y a pas d'étoile en question, si par exemple le thé est directement échangé contre le café, ça prend donc chaque marchandise donc, utilise la quantité d'une troisième marchandise, dans notre exemple de la toile, pour exprimer sa propre valeur, pour savoir à combien de l'autre marchandise sa valeur correspond. Donc, le sac de 10 kilos de café dit et moi je vaux 10 mètres d'étoiles et donc le sac de 10 kilos de thé dit moi je vaux 30 mètres d'étoiles. Et donc Marx dit donc la toile dans son exemple est l'équivalent général de toute la marchandise. Donc chaque marchandise peut exprimer sa valeur dans la toile. Donc, jusqu'ici, là, on peut même se demander à quoi ça sert toute cette analyse sur la toile. Mais maintenant, il ne reste que tout dernier pas à faire. Remplaçons la toile avec une autre marchandise qui également est divisible à l'infini, qu'on peut facilement porter de l'un à l'autre, donc c'est-à-dire avec l'or et l'argent. Et tout d'un coup, nous avons ce que nous connaissons tous, l'argent. Nous comprenons pourquoi l'argent, donc l'argent payant, est l'équivalent général de toutes les marchandises. Il fait exactement... Donc en vérité, l'analyse de Marx est pratiquement déjà terminée au moment où la toile est l'équivalent général de toutes les autres marchandises. Donc après, il suffit de remplacer une certaine valeur d'usage, le matériau précieux, à la toile. En effet, donc à la fin de cette analyse... De la toile, donc Marx donc, fait sortir de son chapeau la forme monnaie. Donc ça veut dire monnaie ou argent, comment le... Et donc c'est l'argent qui est l'équivalent général. Et d'ailleurs, toujours entendu, l'argent ou l'or en tant que marchandise réelle qui effectivement a coûté une tonne de travail réel pour sa production, donc pour le chercher dans les mines. Donc après... La question, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui où l'argent en général n'est plus un argent métallique? On peut en parler une autre fois, la question est plus complexe, mais essentiellement dans l'analyse de Marx, Marx analyse, insiste sur un fait absolument central aussi pour l'analyse du fétichisme, l'argent est une marchandise, comme une autre. L'argent n'est pas une convention, ce n'est pas une... comme veulent en général tous les théoriciens non-marxistes, l'argent n'est pas une espèce de moyens techniques qu'ont les êtres humains pour pouvoir faciliter leur échange, et donc on peut certainement disposer à plaisir. Donc, par exemple, même quand Ferdinand Braudel, il met la monnaie au même plan comme la roue, comme la voile. Non? L'analyse de Marx ici est radicalement différente. Il dit que l'argent est une marchandise comme les autres. Donc, lorsque nous échangeons une quantité une marchandise contre une quantité de métal précieux, au moment possible, nous l'échangeons aussi contre la quantité de travail qui était contenu, qui était nécessaire pour la production de cette pépite d'or. Et c'est un élément extrêmement important parce que ici, on arrive au fétichisme, donc ça veut dire que toute production de marchandises dans le capitalisme, en vérité, est subordonnée à la production d'une seule marchandise qui est l'or ou l'argent. En plus, en français, il y a cette difficulté avec le double sens du mot argent. Peu importe. Donc, ça veut dire donc toute la... Après, on va y arriver après. Donc, tout le capitalisme, toute production de marchandises, finalement, n'est qu'un prétexte pour se procurer la seule marchandise qui vraiment compte, qui est l'or. Et l'or, donc, tient son valeur pas du fait qu'il est plus important que les autres marchandises, mais que c'est l'équivalent de toutes les marchandises. Et ça veut dire que l'or est la seule marchandise qui peut se retransformer sans problème dans toute autre marchandise. Donc, qui dispose donc du travail contenu dans une quantité d'or et d'argent peut après le retransformer dans n'importe quel autre travail de la même quantité, évidemment. Donc ça veut dire que dans tous ces cas, donc le contenu de tous ces travaux donc, n'a plus aucune importance. Donc nous sommes dans nous sommes face à un système donc, où la seule chose qui importe, c'est donc de se emparer de la marchandise donc, qui seulement contient en elle toutes les autres marchandises. Et mais ce qui peut être difficile à comprendre, et dans ce que je vais m'arrêter, donc si les manteaux expriment sa valeur en 20 mètres de toile, ce qui est facile à comprendre, ça veut aussi dire que le travail qui a créé la valeur du manteau exprime sa propre valeur dans le travail qui a créé la toile. Mais en vérité, tous ces travaux, en tant que travaux concrets, sont tout aussi incommensurables que les marchandises. Donc ça veut dire qu'on ne peut faire de comparaison toujours entre des quantités données de travail abstrait. Et, c'est le point décisif, le travail abstrait qui sert à exprimer le travail qui crée le manteau a nécessairement une forme concrète, parce que le travail abstrait n'est pas sur le marché. Donc c'est le travail, dans le premier exemple, et qui crée la toile. Et ce signifie que le travail qui crée la toile, dans ce cas, exprime la valeur du travail qui crée le manteau. Donc ça veut dire que le travail qui crée la toile a une double fonction. En tant que travail concret, et il crée la toile, mais le même travail, le même mouvement crée aussi la valeur de manteau. Et c'est, donc, comme dans cet exemple, la toile devient l'équivalent général, donc ça veut dire que le travail qui crée la toile devient le travail qui exprime la valeur de toutes les autres marchandises. Et ce qui arrive dans la réalité économique avec le travail qui crée les métaux précieux. Donc ça veut dire que le travail qui crée les métaux précieux, au-delà de sa création de valeur usage, crée aussi la valeur de toutes les autres marchandises qui doivent s'exprimer dans ce valeur-là. Et donc, ça veut aussi dire, finalement, que toutes les marchandises, pour être des valeurs, doivent être faites par le même travail. Donc, ça veut dire que la différence entre les travaux concrets qui a créé la multitude des marchandises concrètes, finalement, de certaine manière, disparaît ou s'extingue devant ce seul travail qui compte, avec lequel il doit s'échanger, donc le travail qui a créé les métaux précieux. Oui, je comprends que tout cela est assez, c'est en même temps extrêmement simple et banal, parce que aussi vraiment Marx fait tout son petit théâtre avec ses quatre marchandises qui là se produisent comme ce petit théâtre, en même temps justement à côté de son caractère apparemment si simple et aride, il est assez difficile de comprendre tout le potentiel de cette analyse. Et donc, je vais trop tard pour le dire, les autres passages. Mais alors, pourquoi donc c'est cette question de du travail qui crée les métaux précieux est tellement important? Alors, parce qu'ici, nous touchons aussi au cœur de l'abstraction sociale. Parce que tout ce que nous avons dit ici, ça pouvait aussi être une simple abstraction dans la pensée. On peut simplement dire, moi, je réduis dans la pensée toutes les différents travaux, je le réduis à n'être qu'un. Où est le problème? Donc, c'est simplement quelque chose qui facilite la vie. Et de même que, par exemple, je peux vous tous réduire. Par exemple, je peux dire que vous tous, vous êtes des êtres humains. Donc, c'est une abstraction dans la pensée. Personne ne vous n'est un être humain. Vous êtes chacun quelqu'un de différent, mais vous avez tous en commun des êtres humains. Et donc, je ne fais de mal à personne. J'ai, comme je dis, je fais un séminaire avec 20 êtres humains. Et donc pour l'économie politique bourgeoise, donc toutes ces catégories-là, comme le travail abstrait, sont innocentes parce que ce n'est que simplement une espèce de réduction mentale. C'est ici le décisif de la théorie de Marx. Il dit non, avec l'argent, l'abstraction n'est plus une abstraction de pensée. Avec l'argent et avec le travail qui crée l'argent, l'abstraction prend une forme réelle, matérielle. Et une forme qui nous domine justement parce que ici cette abstraction qui nous domine n'est plus seulement ancrée dans nos têtes, mais commence à devenir une véritable facteur de la vie sociale. Parce que nous tous, nous savons évidemment au plan empirique que l'argent nous domine, nous faisons tous pour l'argent, nous vendons notre force de travail pour l'argent. Il n'y a presque pas un besoin que nous ne satisfaisons pas à travers l'argent. Pratiquement, il suffit d'imaginer qu'est-ce que nous arrive si, par exemple, pendant un voyage, nous perdons notre portefeuille avec notre argent, notre carte de crédit, etc. Nous ne pouvons presque plus rien faire. Donc, toute notre vie dépend de l'argent. Mais si on arrivait à ça, donc justement, là aussi, il ne faut pas faire une critique morale, ce n'est pas une question d'habilité ou autre. C'est parce que cet argent-là est devenu. Donc nous sentons tellement la faute si on perd son portefeuille, parce que cet argent-là est devenu l'équivalent et bien réel de toutes les autres marchandises. Et donc ici, l'abstraction, et ça veut aussi dire que toute l'autre production de marchandises, certainement, a lieu en fonction de cette seule marchandise, parce que justement, qui tient son rôle, pas du fait que l'or soit important dans la vie humaine, c'est même une des choses dont on peut le plus facilement se passer, mais que, la valeur de l'or est cette abstraction devenue réelle. Parce que de certaines manières, ils contiennent, de certaines manières, en germe, toutes les autres marchandises, donc aussi tous les autres travaux. Mais ils les contiennent en tant qu'annulés. Et voilà, pour revenir à notre exemple, que si un investisseur veut placer ce 100 000 euros sur le marché et il trouve que les banques lui donnent un rendement plus haut que des Playmobil, et il décide logiquement de placer son argent dans une entreprise de banque, ce n'est pas une question de morale, même si évidemment cela peut s'ajouter, mais c'est simplement le fait qui évidemment dans ces cas-là, donc le caractère concret du travail et de la marchandise, qu'une fois peut tuer les enfants, l'autre fois le faire jouer, est annulé dans cette seule forme argent. En plus, très souvent, celui, par exemple, qui place son argent, il ne sait même pas qu'est-ce qu'il arrive avec l'argent. De toute manière, l'argent, après, il prend mille formes, il disparaît. Par exemple, il le donne à sa banque, et la banque lui va donner simplement peut-être une rente, mais sans même dire d'où cette rente vient, où la banque a placé l'argent. Mais là, c'est finalement dû au fait que face à cette forme toujours égale de l'argent, que l'argent contient en lui, mais contient en tant qu'annulé tous les travaux concrets, et donc aussi tous qui rendent vraiment important, si on veut, la société et la vie humaine, parce qu'à ce moment-là, donc, chaque travaux satisfait un besoin différent. Et en tant que tel, la société humaine, évidemment, se base sur la satisfaction des besoins, mais cet aspect est donc absolument secondaire face à cette abstraction toujours égale qui se matérialise dans l'argent. Et donc, je vais prendre encore 2 minutes. Et donc, ça veut dire que la première particularité de cette forme équivalente, apparemment tellement innocente que tous se représentent dans la toile, la première particularité, c'est que la valeur d'usage devient la forme d'apparence d'image, la forme phénoménale de ce contraire de la valeur. Il y a donc une inversion entre l'abstrait et le concret. Et ce qui devait venir premier dans la vie humaine, sur le concret, devient simplement l'expression, le dérivé de ce qui, au contraire, devrait en dériver l'abstrait. Et ce renversement est aussi une subordination, parce que le travail concret a seulement une fonction auxiliaire, simplement le devenir physique du travail abstrait, le travail concret, donc mis en marge dans le capitalisme seulement lorsqu'il peut effectivement correspondre à une quantité suffisante de travail abstrait. Donc, comme on sait, même l'activité la plus utile du point de vue de l'usage est donc abandonnée dans le capitalisme. On renvoie les infirmières, les enseignants, etc. Si leur travail concret ne correspond pas à un travail suffisant d'un travail abstrait pour être donné profit sur le marché. Donc, au terme philosophique, on pourrait dire que dans la société marchande, le travail abstrait est la substance et le travail concret est l'accident, pour parler au terme aristotélicien, tandis qu'évidemment, le contraire devrait être vrai. Donc, autre particularité, donc, ça veut dire que le non-spécifique devient le social. Donc, ce qui est commun à toutes les marchandises et permet leur échange, ce n'est pas leur diversité, ce n'est pas le fait que les différents travaux satisfassent de besoins et désirs différents. Mais, au contraire, la seule chose qui est commune entre, c'est l'abstraction, donc c'est justement le manque de toute spécificité, la pure quantité. Donc, évidemment, si nous vendons des marchandises, finalement nous échangeons des quantités d'argent, et donc ça veut dire que donc l'argent qui est une quantité qui est indifférente donc à tout besoin. Mais je dis que l'indifférence de l'argent à son contenu et finalement est due à la indifférence du travail abstrait pour son contenu. Donc, dans la société, tandis que dans une société non capitaliste en général, par exemple, disons, les menuisiers et les paysans satisfont mutuellement leurs besoins, justement en tant que menuisiers et en tant que paysans. Par exemple, donc chacun donne à l'autre ce dont l'autre a besoin et l'autre reçoit ce dont lui a besoin. Même si évidemment ces échanges peuvent être injustes et violents, etc. Mais les personnes se rencontrent dans leur spécificité sociale. Une fois qu'ils sont dans un marché des marchandises, les personnes ne peuvent qu'échanger qu'une fois qu'ils ont fait abstraction de leur spécificité. C'est seulement lorsqu'une fois qu'ils se sont dévêtus du fait d'être menuisiers et paysans qu'ils peuvent se rencontrer en tant que porteurs d'une certaine quantité de travail abstrait. Parce que c'est évidemment tout travail doit avoir un côté concret, parce que sinon on ne trouve pas d'acheteur. Mais l'achat ne se base pas sur la base, évidemment, d'un rapport de besoin. On vend sa marchandise pour avoir une quantité d'argent, et avec cette quantité d'argent, on achète l'autre chose. Il n'y a pas de troc. Donc ça veut dire donc ce qui nous lie dans la société capitaliste, c'est l'argent, ce ne sont pas les produits que nous échangeons. Et donc l'argent, c'est le non-spécifique, c'est le non-social, donc c'est le toujours égal. Et donc la société capitaliste qui souvent est décrit par beaucoup d'historiens comme l'éclosion de l'individualité, de la liberté, de la diversification de la société, contient comme dans son cœur, au contraire, une énorme œuvre d'égalisation où les personnes ne se rencontrent pas dans leur diversité humaine, mais simplement comme porteurs, une fois les 100 euros, les 1000 euros ou les 10 000 euros. Donc toute individualité sur le marché disparaît donc face au simple fait d'avoir de disposer d'une quantité plus ou moins grande de cette abstraction sociale qui nous domine. Je vous ai tué? C'est pas ma faute, je pense quand même que j'ai été un peu plus clair que Marx même peut-être. Mais parlons encore quelques minutes pour les observations. Donc en décembre, on a encore deux cours, donc deux séminaires vraiment sur Marx et la critique de la valeur. Donc on va un peu reprendre ce thème, on va parler surtout du rôle de l'argent et du fétichisme. Et on va reprendre un peu surtout ce thème de l'opposition entre l'abstrait et le concret. Donc même, on a encore temps pour quelques questions, mais sinon... Je veux dire, aujourd'hui, j'ai voulu donner le gros morceau, vraiment le gros travail. Oui. Donc la prochaine fois, on va un peu retourner sur le même thème, on va approfondir certains aspects, et bien, je tenterai aussi de laisser davantage de temps pour les questions. Hein. Oui, le prévu, ça doit être le 4 décembre, si vous voulez. Ouais, moi j'avais une question par rapport au mode de présentation. Par exemple, dans le livre de Poston, justement, il le présente, pour revenir à ce que tu dis, hein, il utilise beaucoup, en définissant le travail, le côté abstrait de tout travail, il utilise beaucoup le caractère donc, socialement médiatisant oui. qu'a le travail dans la société capitaliste. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de la présentation de cette façon du concept de travail abstrait? Est-ce que tu vois une différence? Là, on va en parler la prochaine fois parce que ce serait trop long et surtout parce que là, le docteur Poston est là, il critique d'une certaine manière Marx, il tente de lire quelque chose qui va au-delà de la lettre de Marx. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment tenté de rester très près de la lettre de ce que dit Marx. En plus, ce n'est pas pour glorifier Marx, comme je dis, on n'est pas ici pour dire que Marx avait raison sur tout, mais cette analyse de du travail abstrait n'a pas été montrée par aucun autre auteur donc, que Marx. Voilà pourquoi ça reste quand même une chose capitale. D'abord, vraiment, et même avant de ou critiquer Marx ou d'aller au-delà, il faut vraiment d'abord comprendre qu'est-ce que Marx voulait dire avec ce concept-là. Je veux dire, surtout, on peut faire après la critique que Marx croyait, tandis qu'il a efficacement analysé le travail abstrait, il était trop convaincu que le travail concret est une constante de toute vie humaine. Et donc là, il dit que c'est une nécessité éternelle. Là, on peut reparler un peu, penser que Marx, là aussi, restait un peu prisonnier de son époque, tandis qu'évidemment, il doit exister ce que Marx appelle lui-même, avec un beau terme, le métabolisme avec la nature, un échange où l'être humain s'approprie les ressources. Mais déjà, le fait de considérer toutes les activités de ce genre, si différentes qu'elles soient, sous une seule dénomination de travail, fût sur le travail concret, est probablement déjà une espèce de révolution moderne. En effet, dans les sociétés jusqu'au Moyen-Âge, il n'existait pas un terme générique pour travail, même pas pour le travail concret, tout ensemble. D'une certaine manière, donc, le travail concret n'est pas le côté positif ou bon qu'il faut défendre contre le travail abstrait. En vérité, le travail abstrait et le travail concret restent quand même les deux côtés du travail en tant que spécificité de la société capitaliste. Mais là, je dis, là, il faut aller, quand même, aller un peu au-delà de Marx. Quoi. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment voulu me limiter à ne être que l'interprète de la lettre de Marx sur le travail abstrait. Ici, ben, on nous chasse vraiment au moment précis.